أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, si tu as eu l'occasion de suivre l'audio qui a précédé, la fin des légendes, Alhamdulillah, si tu as bien écouté cet audio du début à sa fin, alors, Inch'Allah Ta'ala, voici la continuité, voici le deuxième volet, Inch'Allah Ta'ala. Allahumma inna na'oubu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu, wa nastaghfiruka lima la na'lamu. On se place sous la protection d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. On accepte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est seul possesseur du droit à s'enorgueillir, est seul possesseur du droit à mériter l'adoration, à mériter la satisfaction de lui être soumis. On accorde, on donne son droit à Allah subhanahu wa ta'ala seul, exclusif, son droit à lui seul de rabaisser tel d'entre ses esclaves ou d'élever tel d'entre ses esclaves, et nous retirons aux pervers et aux hypocrites ainsi qu'aux mécréants leur prétention à disputer ceci à Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est l'objet de ce deuxième volet? Akhi fillah, ukhti fillah. Quel est l'objet de ce deuxième volet? Il concerne le fait de devenir un indique. Oui, un indique, tu sais. Un indique, une poucave, une balance, une serpillière, je ne sais pas ce qu'on peut utiliser comme terme. Il consiste à ce que tu saches comment, sans même le savoir, toi qui es en train de m'écouter, là, frère Fillah, sœur Fillah, comment toi, tu peux être amené, sans le savoir, sans le vouloir, inconsciemment, à devenir, sans le savoir, sans jamais en avoir une intention, toujours en ayant demandé à Allah Azza wa Jal de jamais, jamais tomber dans ce genre de bassesse, eh bien, sache que tomber dedans est extrêmement facile, sans même que tu t'en rendes compte. Eh bien voilà, je te dévoile cette technique, je te dévoile cette ruse. Elle provient de qui? Elle provient de Shaitan, bien sûr, puisque lui-même est un excellent savant en science du mal, et elle provient de la stratégie des hypocrites, et comment les hypocrites sont exploités par les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut, akhi, ourti, que tu aies mis quelqu'un en difficulté. Une personne qui a nourri à la base un bon espoir avec toi. Mais, comme tu t'es grillé, comme t'as été grillé, comme t'es connu dans ton expression, dans tes prises de position, et que certaines personnes qui ont étudié ton cas savent à peu près... Bon, ils ne savent que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de savoir, mais il se trouve que tu as mis des personnes en difficulté. Oui, tu as mis des personnes en difficulté. Et voici que se présente à toi un beau jour ensoleillé. Voici ce que se présente à toi un hypocrite. Donc l'hypocrite, comprends bien sa définition. C'est une belle personne, c'est une personne qui a attesté qu'Allah est unique et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien son messager. Allah azza wa jal lui a donné une excellente apparence à ce personnage, une apparence suffisante et un charisme suffisant, une personnalité suffisante pour t'influencer, t'impressionner et te donner le sentiment, inspirer en toi le sentiment que ma foi, subhanallah, si tu n'es pas franc avec cette personne-là, Tu vas avoir des remords à l'intérieur, tu sais. La crainte d'être sous-estimé, la crainte d'être mal considéré par l'individu que t'as en face de toi. Quel beau personnage, ma charme. Et pourtant, cette personne que t'as en face de toi, cette si belle personne que tu as en face de toi, si détentrice, tu vois la sunna sur elle. Non, non, ne me fais pas dire ici que je parle des pseudo-talafis en particulier. Je te parle des hypocrites. Je te parle pas des pseudo-talafis ou des talafis ou des pseudo-salafis. Ou de... Je te parle juste, ni plus ni moins, des hypocrites. Et je mets pas d'étiquette particulière sur tel ou tel groupe. Juste l'hypocrite, tel que Allah Azza wa Jal l'a décrit. إذا جاء أقال المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que l'hypocrite était dans tel camp ou dans tel camp ou dans tel groupe ou dans telle faction. Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la gloire, à lui la puissance, à lui l'adoration. A fait de l'hypocrite un être complet, sans étiquette particulière. Il a des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliquées. Il a, oui, des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Ô toi l'ingrat, ô toi le pervers, ô toi le rat, quand le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est prononcé, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a entendu ceci et qui se reconnaît dans ceci et dans cette invitation, continue encore de transpirer. Alors cet hypocrite, il travaille pour les agents du renseignement, les RG, la DCRI, le FBI, la CIA, tout ce que tu veux. Ces agents qui sont payés pour veiller à défendre les intérêts du couple, qui veillent à défendre les intérêts du shirk. Eh bien, cet hypocrite se présente à toi dans ce plus bel apparat, provoquant en toi ce sentiment que je t'ai décrit un petit peu plus avant, et faisant de toi un individu qui, même avec sincérité, va peut-être être amené, s'il te pose deux ou trois questions très légères, très subtiles, va peut-être t'amener toi à devenir, sans que tu le saches, un indicateur. Tiens, tu sais? Donc voici la parole de l'hypocrite quand tu le croises, quand tu parles avec lui. Arifillah, Urtifillah, tends bien tes oreilles. Tends bien tes oreilles. Bismillah, Qul Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul. Allahumma ansurni al-mujahidin fi sabili. اللهم تقبل للمجاهدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان Tends bien ton oreille, أخي في الله وأختي في الله. Cet hypocrite va te poser une question, deux questions, très subtiles, pas plus, pas trop dans la conversation, parce que sinon, tu risques d'avoir des doutes et d'avoir des suspicions. Tiens, au fait, je connais un... Donc là, voici la parole de l'hypocrite que je te rapporte. Hein. Alors, épargne-moi mes talents de comédien, je ne vais pas prendre une voix bizarroïde pour te le faire comprendre, sache que ce que je vais te dire, là, c'est un scénario bel et bien vivant. Hmm? Tiens, au fait, j'ai croisé une personne qui a déjà eu l'occasion de te voir dans le passé. Ah oui. Il avait dit que tu viendrais le voir avec un bel objet. C'est très très léger, c'est très subtil. Comprends bien ce terrain-là. Archifilla, Urtifilla. Et quand tu l'auras bien compris et bien analysé, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va te libérer d'un de ces mal de crâne. Allahu Akbar. Alors toi, il y a cet hypocrite en face de toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu dis, ah oui, c'est vrai, tiens, ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, ce frère-là, je l'avais vu, il était comme ci, il était comme ça, c'était quelqu'un de très gentil, oui, forcément. Tu crois avoir en face de toi une personne de confiance. Tu crois avoir sur tes épaules la charge de l'honneur du frère dont tu es en train de parler. Tu crois avoir en face de toi une personne pleine de droiture. Et donc, tu parles en droiture au sujet de ton frère. Et comme toi, tu ne veux pas donner l'apparence ou l'image de quelqu'un qui dissimule ou qui cache parce que tu as peur de celui qui est en face de toi. Tu as oublié la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, oui, c'est vrai, tiens. Ouais. Ah, puis j'ai vu un tel. Tu es venu avec quel véhicule aujourd'hui? Oui, tu es venu le voir, tu t'es déplacé, tu as fait je ne sais combien de bornes pour venir le voir. Et tu viens pas avec le même véhicule que tu avais utilisé pour visiter telle ou telle autre personne. Et lui, cet hypocrite que tu as en face de toi, il te dit quoi? Il te dit, ah tiens, t'es venu avec ton véhicule bleu aujourd'hui. Tu sais. Ce véhicule bleu, c'est celui que tu as utilisé pour visiter tes frères. Des frères que tu as peut-être mis dans la difficulté. Moi, je te donne un exemple qui n'est pas fait d'invention, Achim. Ourti, prends bien la chose au sérieux. On n'est pas en train de jouer. Et je suis en train de te parler comme je parlerais à un compagnon de fi sabilillah, un compagnon dans le sentier du haq. Donc prends ces propos au sérieux. Et si tu les comprends pas très bien, pardonne à celui... excuse celui qui essaye de te transmettre la chose de la façon la plus simple possible, la plus claire possible, du fadlillah. Donc, qu'est-ce que tu dis à cette personne? Ah oui, c'est vrai, tiens, j'étais allé voir ce frère. Ah oui, ce véhicule, oh, mais il était pas à moi. Bien. T'as répondu une fois, t'as répondu deux fois, tu es devenu, sans le vouloir, inconsciemment, il n'a jamais été dans ton intention de parler aux agents du Tarout. Mais regarde, les agents du Tarout, ils n'ont même plus besoin de venir te chercher chez toi. Et ils n'ont même plus besoin de t'envoyer une convocation pour t'interroger, te poser des questions sur toutes ces choses que tu as dites, sur toutes ces choses que tu as écrites. Ils ont juste à t'envoyer à toi une personne qui représente physiquement l'idéal que tu recherches. Tu recherches un compagnon, ils savent que tu recherches un compagnon, ils t'envoient une personne des plus belles apparences. Et tu rentres en confidence avec cette personne alors que tu ne le connais pas. Que penses-tu d'un individu qui te dit « Ah, les gens, je mentionne les noms, je mentionne les groupes, ok ? On n'est pas là pour faire dans le... Je ne fais pas là dans l'abstrait. » Je fais pas dans la poésie, je fais pas dans la charade. Les propos que je tiens sont clairs et limpides pour celui qui a un cerveau pour comprendre. Je vois cet individu qui me dit « Ah, oh, le groupe Forsan al-Izza » Miskin. Oui, miskin, c'est le mot qu'il utilise pour le chef de ce groupe. Wallahi, wallahi, thumma, wallahi, qu'Allah pardonne. À mon frère, qu'Allah pardonne à mon frère Hamza pour les erreurs, pour toutes les erreurs qu'il a faites. Qul amin, qul amin, qul amin, ma'ya. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par la réforme de son épreuve actuelle, il se peut qu'Allah azza wa jal lui permette d'ouvrir les yeux, lui permette de guérir sa poitrine. Parce que cet individu que j'ai croisé, Il m'a dit, oh là là là là là, son groupe, ils l'ont tous balancé. Ils l'ont tous chargé à mort. Ça te fait quoi d'entendre ça? Attention. Attention, Harry. Attention, Ourti. Ce que je suis en train de te dire, Allah subhanahu wa ta'ala et ses nobles scribes en sont témoins. Maintenant, pour celui qui est intelligent, si quelqu'un vient te tenir un tel propos, demande-lui à cette personne. Mais, qui t'a renseigné? Qui t'a dit que tout le monde l'avait balancé? Qui t'a dit que tout le monde avait renseigné l'État au sujet de ce frère-là? Et qu'Allah lui pardonne. Wallah, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui facilite les choses. Qui donc là t'a renseigné que soi-disant tout le monde l'a balancé, tout le monde l'a chargé à mort, à bloc? Qui donc si ce n'est les agents du Parout eux-mêmes? Est-ce que tu entends bien ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu perçois bien le sens des propos que je suis en train de te dire? Est-ce que tu as bien cerné la chose? Wallahi. Donc, le thème de cet audio, c'était devenir indique malgré soi, pour que le jour où il sera dit, pour que le jour où il sera dit, ah, oh, ad Dominicani, oh, c'est un de nos meilleurs agents, c'est quel excellent comédien, combien de monde il a trompé, pour que ce jour-là, quand il arrivera, tu saches, que ton frère en Allah, Ad-Dominicani, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, n'a rien fait d'autre que d'aimer la religion d'Allah Azza wa Jal. N'a rien fait d'autre que de soutenir la parole des Mujahideen. Qu'Allah les soutienne en tout lieu de ce monde. Et pour que tu sois bien conscient, toi, frère en Allah, que j'ai pu mettre dans la difficulté inconsciemment par ma propre stupidité, de ma propre erreur à avoir accordé un crédit à des personnes que je ne connaissais pas. As-tu entendu le premier audio? Quelle est la règle pour que tu puisses dire je connais un tel? T'as dormi sous son toit. Vous avez fait du commerce ensemble. Vous avez voyagé ensemble. Vous êtes jaugé. Vous êtes aimé pour Allah, vous vous êtes séparé pour Allah. Vous vous êtes aimé en Allah. Vous vous êtes séparé pour Allah. Vous vous manquez pour Allah. Et en Allah, vous vous reconnaissez. Tels sont les vrais compagnons. Et telles sont les personnes de qui l'on peut dire de sa bouche, je me porte garant de lui. Je suis garant de lui. Et non pas des fantômes. Ton frère en Allah, Dominicani, ne se porte pas garant des fantômes. Il ne se porte pas garant des personnes qu'il a rencontrées dans sa vie. Il souhaite pour ces personnes-là, certaines d'entre elles, le bien, et pour les autres, il leur souhaite, ni plus ni moins, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. La révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, celui qui a réuni en lui précisément toutes les caractéristiques de l'hypocrite, celui-ci, sa destination est bien connue. Celui-ci, sa destination est bien connue. Et la bonne issue est réservé à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala par-dessus tout. La bonne issue est réservée à ceux qui ont estimé Allah à sa juste mesure, qui ont estimé la ruse et le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de la ruse et du stratagème des pervers. Les hypocrites. Pas les hypocrites parmi les chiites, enfin, Les chiites sont mécréants, de toute façon, mais pas les hypocrites parmi les pseudo-talafis. Pas les hypocrites selon les pseudo-djihadis salafis. Ah, t'as jamais entendu ça, hein? Tu n'as pas entendu ça. Entends-le de la bouche de ton frère qui t'aime en Allah et qui te souhaite une bonne issue. La bouche des pseudo-djihadis salafis. Hemp, depuis le départ, j'affirme la chose suivante. Bi fadlillah wa bi karimatillah. Par sa générosité et par sa grâce, je te dis que cet islam, c'est un seul bloc. Et que ton Seigneur, depuis la bouche du prophète Ibrahim, alayhi salam, t'a nommé, toi, musulman. Il n'a pas voulu pour toi que tu deviennes ahbash. Il n'a pas voulu pour toi que tu te prétendes djihadi salafi ou salafi. Ou tabliri, il a voulu pour toi que tu t'appelles musulman. Et tant que tu ne seras pas convaincu de ça, et que tu ne seras pas satisfait de ça, sache, mon frère bien-aimé en Allah, ma sœur bien-aimée en Allah, que tu es à la merci. Que tu es à la merci des gens de la division, tout comme est à la merci du loup, l'agneau, qui s'est divisé du groupe, qui est sorti du groupe. C'est quoi ce groupe? C'est quoi cette jama'a? C'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba radiyallahu anhum. Si tu étais venu voir les sahaba pour leur dire qu'ils étaient salafis, qu'ils étaient des pieux, qu'ils étaient les meilleurs de toute la création, qu'ils étaient les montagnes de toute la création, tu serais rentré chez toi avec le visage en sang. Oui, ils t'auraient jeté la caillasse, ils t'auraient lancé la terre au visage. Alors qu'aujourd'hui, nous, avec ce qu'on a accumulé de connaissances, de savoir, regarde. On répond à toutes les questions. On a toutes les réponses. On prend la parole dans tous les sujets. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de considérer, d'avoir une lucidité sur les gens qui mentent ouvertement sur le dîn d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette considération, Shaitan est venu à côté de toi et t'a dit, Mashallah, toi tu as tout compris. Mashallah, toi tu es éclairé. Mashallah, toi tu vas être un soutien pour cette religion. Allez, vas-y. Pense. L'ennemi t'observe, oui. Bien sûr. L'ennemi a ses armes, oui, bien sûr. L'ennemi pense avoir fait les calculs suffisants pour que le jour où tu vas devenir gênant, toutes ces erreurs que tu as faites, il puisse les utiliser, non pas contre toi, parce que tu sais que toi, bon, finalement, tu n'es pas grand-chose. Juste s'en servir contre le din d'Allah Azza wa Jal, chose que Allah Azza wa Jal ne permet pas. Chose qu'Allah Azza wa Jal ne permet pas. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser le pervers pour servir sa religion. La cause de sa religion. Naam. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser les hypocrites au bénéfice de son stratagème. Quel énorme stratagème. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce qu'il veut, quand il veut, en temps et en heure. Si tu as fait des erreurs, si tu as reconnu des erreurs que tu as faites, dans les propos que je t'ai tenus, dans cet audio qui s'est écoulé, si tu as reconnu des choses que tu as faites, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est tout miséricordieux, infiniment miséricordieux. Et que si tu as commis ces erreurs, des erreurs qui sont liées à la stupidité et à l'ignorance d'Allah Azza wa Jal, sache est possible, si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour toi, que sa miséricorde a été placée au-dessus de sa colère. N'en déplaise aux hypocrites, n'en déplaise aux menteurs, n'en déplaise aux mythomanes, sa miséricorde est au-dessus et supérieure à sa colère. C'est un hadith qudsi. Donc, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, et je demande pardon avec toi. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te permette, dès à présent, de te consacrer au strict essentiel pour toi, pour ta sauvegarde, pour la sauvegarde de tes proches, pour une bonne issue. La bonne issue, mon frère Fillah, ma sœur Fillah, elle est soit dans la hijra, soit dans la hijra, soit dans le combat, fi sabilillah, aller dans le soutien du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la meilleure des issues aujourd'hui, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'accorde le martyr dans son sentier. Et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux véridiques et aux sincères qui ont perdu leurs cheveux, leurs énergies, leurs... qui se sont épuisés dans des émotions infinies, sans fin. Je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le soulagement, t'accorde le sourire, t'accorde de prendre du recul et dès cet instant d'améliorer ta relation entre toi et ton Créateur, celui qui possède ces créatures, qui les tient par le toupet, qui retient leurs mains quand ils veulent frapper, qui relâche leurs mains quand ils décident que le coup doit arriver. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je me repens auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mal fait consciemment ou inconsciemment contre son dîn. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de prendre en charge la part de bien dans les efforts que j'ai présentés jusqu'à présent. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me remettre et de me faire miséricorde pour tout ce que les ennemis vont essayer à présent d'utiliser contre son dîn. Et certes, Allah Azza wa Jal est déjà garant du triomphe de sa religion. Walillahi alhamd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma nurahum walau karihal kafirun. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah tient à parachever sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك